les attraits tous bien, mes excuses les plus sincères. Mais c'est pas trop mon genre parce que des dizaines il faudrait faire. Un par un ça commencerait à un peu être long. Anyway, les gens savent que j'ai touché le fond. Prosterné devant mes erreurs, j'ai appris de vivre pour moi, je sais que moi les gens rient. J'ai vécu des moments d'intimidation, j'aimerais vraiment me venger. Mais on prendrait pour un con, t'as rien qu'à écouter mes paroles dans mes chansons, faut que tu montes le son. Des choix qu'on oui je n'ai fait, comme tout le monde aussi l'ont fait. Des millions d'excuses faut que je fâche, commence pas la démarche. Il faut seulement une toune pour bien vous faire comprendre qu'on laisse pas tomber quelques sacs que son cœur y fonde. J'ai lâché des personnes dans la vie, parce que si vous l'avez mal pris, puis aussi tous ceux qui passaient, j'allais y rester. La vie c'est dur, oui je dévasté, je fais quand même mes affaires. Aujourd'hui je vous présente mes excuses les plus sincères. J'ai bien de la peine à croire, mais c'est aujourd'hui que je réalise que j'ai pris mon corps par pitié. Je pète plus de crise de jeune ado qui joue nono, c'est fini, je baisse vers le haut. Je démoralise, je démocratise les gens qui me font des journées grises. Je vous laisse tomber, je fais de mon gré, j'avance juste vers l'avant. De pas à pas, je crois que je suis entré enfin dans le monde des crans. Y'a encore des gens qui pensent que je tiens d'ici, par quelques choix que je fais de mal, qui peuvent peut-être me détruire la vie. Je combats plus sommeil, je souris à la vie. Ma voix dans ma tête m'appelle, je crois que je suis heureux maintenant, oui. J'ai compris qu'après fait de mes erreurs, je vois juste plein de lueurs. Des ondes positives m'ont poussé à vivre. Vous savez tous que moi que parfois je suis susceptible. J'suis un gars qui s'affirme comme étant un émotif. J'suis la nuit à belle étoile, il est temps dans la vie de peinturer une nouvelle toile. J'suis la nuit à la belle étoile, il est temps dans ma vie de peinturer une nouvelle toile.